Théo. Théo. Mais Théo! La petite blagounette. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Théo Franken, secrétaire d'État à l'asile et à la migration en Belgique. Son job à lui, c'est de gérer tout ce qui est immigration, asile, réfugiés, etc. Et je pense que ce mec... Attends, comment ça je pense? Non. Je suis sûr que ce mec est la pire personne choisie pour ce poste. Je t'explique. Vous savez qu'au Soudan, en ce moment, il y a un putain de génocide. Et donc l'ambiance, c'est pas trop ça. Et fatalement, t'as des Soudanais qui ont quitté le pays pour se réfugier en Belgique. Et ben, notre ami Théo les a mis dans un centre fermé, tout ça. Simplement. Et on va se mettre tout de suite d'accord, dans un centre fermé, il n'y a pas de « oui, je vais être jugé dans les 5 jours », non, rien à voir. Non, là, tu fermes ta gueule et tu attends. Donc, t'as des mecs qui fuient la mort, qui viennent se réfugier en Belgique, ce qui est un droit pour eux, et lui, il les enferme. Mais c'est pas tout. Il a été avec les services secrets soudanais pour voir, mais c'est qui ces gens-là qui ont quitté le Soudan? Alors que le chef d'État de ce pays, c'est un mec qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour génocide. Et ça, c'est encore pire que d'avoir 6 étoiles dans GTA. Et Théo, il collabore avec un type pareil. Est-ce que tu vois le délire ou pas? Ensuite, il y avait aussi des réfugiés dans un parc qu'on appelle le parc Maximilien. C'est des mecs qui ont quitté le pays à la nage en fuyant les bombes. Et bien, lui, il a envoyé la police. Et la police, elle n'était pas là pour dire que lorsqu'une personne fuit des persécutions, elle peut être protégée par la Belgique. Non, pas. C'était pas pour ça. C'était pas l'objectif de la rencontre. Là, c'était des arrestations et direction le centre fermé. Et vu que ce mec, il adore les réseaux sociaux, et bien, juste après ça, devinez ce qu'il a tweeté. 14 personnes ont été arrêtées, dont 3 mineurs. Hashtag nettoyer. Putain, il parle de nettoyage. C'est comme toi, quand tu nettoies ta chambre, tu fais un petit snap avec nettoyer. Ben lui, il a fait ça avec des femmes, des hommes et des enfants. Et ce mec est responsable de la migration. Dans un mail privé qui a été rendu public par la presse, il a dit « Ouais, si tous les homosexuels sont maltraités, c'est à cause des islamistes et des petits cons de marocains. » Donc Théo, quand il voit un petit marocain, il voit un petit con, une petite merde qui lui parle. Et il a terminé son mail avec humour, hein, parce que oui, monsieur a de l'humour. Il a dit, hé, hey, tous les musulmans en dehors de Bruxelles, ce serait marrant, non? Après ça, il s'est lâché, il était en hors-piste totale. Il a partagé sur sa page Facebook, ouais, les juifs, les chinois et les indiens, ils apportent quelque chose à la Belgique. Il y a une valeur ajoutée. Alors que les marocains et les congolais, je sais pas à quoi ils servent dans ce pays. Pardon, smahli. On lui dit ou pas que sans le Congo et le Maroc, il y aurait ni richesse ni métro ici? À l'époque, quand tu demandais un titre de séjour humanitaire, hein, c'est-à-dire que tu quittais ton pays à cause de la misère, ben c'était gratuit. Et notre ami Théo, il a estimé que gratuit, c'était pas assez cher. Et du coup, il a décidé de faire payer ça 250€. Surprise, motherfucker! Donc ce mec, dans sa tête, il s'est dit, on va demander de l'argent à des gens qui ont quitté leur pays, parce qu'ils en avaient pas. Et le pire, c'est que le titre de séjour humanitaire, t'as plus de chances de voir Donald Trump faire l'appel à la prière que d'avoir ce titre de séjour humanitaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a que 2% des demandes qui sont acceptées. Et les autres, c'est merci l'argent, au revoir. Et là, vous allez me dire, mais Abdel, quels sont les critères pour avoir ce visa? Peut-être que les personnes qui ont fait la demande ont juste oublié quelques papiers. Eh ben non, il n'y a aucun critère défini par la loi. Hein, ils prennent ton dossier, regardent ta tête si tu passes bien, regardent si le type, il crève la dalle. Donc si tu as du bide, oublie. S'il est beau gosse, s'il a un prénom qui prend pas trop de place sur les cases. Et si c'est pas à l'heure de la pause? Là, t'as peut-être tes chances. Sinon, c'est pratiquement impossible. Il y a plein de gens qui disaient, oh mon Dieu, Trump est président des États-Unis. Mais nous, on a notre Trump à nous. Théo Trumpen. Et ce mec, c'est un voyou, un délinquant. Parce qu'un voyou, c'est un mec qui ne respecte pas la loi. Un jour, il y a une famille syrienne qui demandait de l'aide, hein, parce que la Syrie, en ce moment, c'est pas une destination all-in. Évidemment, il a refusé le visa. Et là, t'as un juge qui lui a dit, mec, c'est moi qui décide, je suis juge, donc tu vas donner ce papier. Et là, il y a Théo qui a répondu, non. Non, je donne pas le visa. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? On visa pas nous! T'imagines, moi, je dis non à un juge. J'aurais même pas terminé ma phrase que moi et toute ma famille, on sera tous en prison. Et ce mec, il est secrétaire d'État. Et dès son entrée en fonction, il a été à un anniversaire d'un ancien collaborateur de la Deuxième Guerre mondiale. Un mec qui a peut-être serré la main d'Hitler. En Belgique, quand tu n'as pas la nationalité belge et que tu fais une énorme bêtise du style terroriste, on peut te renvoyer dans ton pays d'origine. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont nées ici et qui n'ont pas la nationalité. Et ben grâce à notre ami Théo, depuis le mois de février, il ne faut plus faire une énorme bêtise pour être renvoyé. Il faut faire ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Et on va se mettre tout de suite d'accord. Un trouble à l'ordre public, c'est se bagarrer, crier dans la rue, voler, manifester. Et l'avantage du trouble à l'ordre public, c'est qu'on peut te mettre dehors sans procès. Et là, je sais qu'il y en a qui vont mettre en commentaire « Oh, Abdel, t'es de mauvaise foi quand même, hein. Il va quand même pas renvoyer quelqu'un dans son pays parce qu'il a crié dans la rue. » Tu sais qu'il y a un parlementaire qui a demandé à Théo « Ouais, ça veut dire que si demain, il y en a un qui paye pas une amende, on va le renvoyer dans son pays ?» Et là, je vous jure que Théo Franken a répondu « Mais non, Al-Hamar, enfin, en irlandais, mais non, Al-Hamaron, s'il paye pas une amende, je le renvoie pas. Par contre, s'il en paye pas plusieurs, là, c'est possible. » T'imagines le mec qui a vécu toute sa vie en Belgique, quand il va retourner dans son pays, qu'est-ce qu'il va dire à sa famille ? « Ouais, je suis un danger public pour la Belgique. J'ai pas payé 5 amendes. » Mais attends, hein, tu peux aussi être expulsé maintenant sur base de soupçon. Donc si on soupçonne que tu vas peut-être faire quelque chose, tu rentres dans ton pays sans procès. Vous savez, quand un sans-papier se fait arrêter par la police, il reçoit automatiquement un ordre de quitter le territoire. Et parfois, on le met aussi dans un centre fermé. À votre avis, qui est-ce qui décide de mettre quelqu'un dans un centre fermé ou pas? Mais Abdel, ça peut être qu'un juge ou un procureur, voyons. C'est un fonctionnaire de l'Office des étrangers. Ça veut dire que le policier, il appelle l'Office des étrangers et lui dit, voilà, là j'ai un mec, c'est un sans-papier, est-ce qu'on le met dans un centre fermé ou pas? Et là, c'est en fonction de l'humeur de cette personne, s'il a bien mangé, s'il s'est pas disputé avec sa femme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les sans-papiers, ils auront même peur d'aller porter plainte à la police s'il leur arrive quelque chose. Il y a pas longtemps, il y a une femme sans-papier qui s'était fait violer, elle a porté plainte à la police, elle a fini en centre fermé. Mais c'est quoi ce bordel? Bah oui, hein, parce qu'un papier avec un visage et ton nom, c'est plus important que ta santé, ta dignité ou ton honneur. Vous savez, j'aime beaucoup mon pays, mais je n'aime pas parfois les décisions qu'il prend. Les réfugiés, quand ils viennent, ce n'est pas pour voler quoi que ce soit à la Belgique, mais plutôt pour éviter qu'on leur vole la vie. Micro ouvert. C'est marrant parce que ta tête me dit quelque chose, non, c'est toi. C'est de la place. Hein. Ou alors c'est jusqu'au parc Maximilien, peut-être. Non, il y a un parcours, il y a un parcours. Ça va jusqu'à Sainte-Catherine. Ça passe par le parc Maximilien. Et puis c'est... Et puis bah, jusqu'à Sainte-Catherine. T'inquiète, c'est un média libre. Ah, ok, très bien. Il n'y a pas de coups fourrés ou de... Tu vois ? Ok, très bien, parce que j'aime pas les coups fourrés. Moi, j'adore. Bon, allez. Ça m'a emmerdé. Mais je sais pas. Bon, moi j'y vais, je vous attends pas, quoi. Je sais pas. Bah, nous on est. On va sûrement bouger aussi, mais. Bon, vous êtes mes premiers. Il va y avoir un speech peut-être pour lancer le machin, je crois. Bon, qu'est-ce que vous faites là, vous, en fait? Ah, bah écoute, par hasard, j'ai pris le train à la gare du Nord et j'ai vu qu'il y avait du monde. Et alors, bah, j'ai regardé par curiosité. Et j'ai vu des gens qui manifestaient. Et je sais pas, ils ont des pancartes avec un certain Théo. Je suis Théophile. Et donc, ce monsieur Théo est en posture apparemment difficile, mais il est soutenu par toute une caste politique qui ne veut rien entendre. Et donc, apparemment, ce monsieur Théo a fait des fautes graves. Ah ouais? Et les gens sont pas contents du tout. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute grave, ce garçon? Il a renvoyé, parce que c'est un monsieur qui est chargé, de superviser et de voir le système de contrôle des frontières, de gérer les flux migratoires et tout. Et alors, il a fait venir des gens, soudanais, hein, des gens du gouvernement, en fait, qui est un gouvernement qui pratique la torture et les persécutions. Et donc il les a fait venir pour qu'ils puissent repérer des Soudanais qui étaient en demande d'asile ici. Et il a renvoyé certains Soudanais en demande d'asile, il les a renvoyés chez eux. Et apparemment ils auraient subi des persécutions, voire des tortures. Voilà. Bon, ça s'est su, malheureusement, ça s'est su. Et puis ce même Théo a menti au Parlement, apparemment, en prétendant qu'il n'en savait rien et que de toute façon les expulsions étaient annulées, ce qui est complètement faux. Voilà. Donc on en est là, et des gens qui ne sont pas contents, qui sont en train de lui dire que, qu'il faudrait qu'il parte. Voilà. Mais peut-être tu peux demander à d'autres personnes, parce que moi je suis là par hasard. Ah mais de toute façon j'ai demandé à d'autres personnes, mais... Donc il y a une manif ici pour être une espèce de rassemblement pour dire que les gens veulent que Monsieur Franken Oui, c'est Monsieur Théo, ouais c'est ça, il faudrait qu'il parte. Il y a des chances qu'il parte, monsieur, parce qu'il non, a l'air y a bien. Il n'y a pas de chance qu'il parte en fait. Le gouvernement est mis dans. Enfin, je veux dire le. Non, parce que apparemment il y a un chantage qui est fait par son président de parti qui dit que s'il part, enfin s'il démissionne. C'est tout le parti qui est un parti nationaliste, extrémiste, mais nationaliste, qui est au gouvernement. Tu parles de la NVA ? Oui, je ne cite pas les... Ah ouais. Je suis très poli, moi. Pour qu'on comprenne jamais, un peu. Ouais, d'accord. Bon, bref. Donc, ce parti-là, s'il part du gouvernement, le gouvernement tombe. Ce qui est une bonne chose pour moi, pour tout le monde. Mais voilà, donc à mon avis, ils vont tout faire pour garder ce monsieur Théo. Pour le garder, pour noyer le poisson, pour faire qu'on passe à autre chose. Mais évidemment. Mais bon, c'est quand même bien que les gens se bougent les fesses, c'est fondamental que mes amis... Enfin, c'est par hasard que je suis là, hein, je savais pas. Mais c'est vrai. Ah, vraiment oui, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Hein. Et non, c'est bien que ces gens-là soient indignés et fassent vraiment... vraiment expriment leur indignation, parce que c'est carrément une injure aux droits fondamentaux et même à la démocratie, parce que même en tant que... J'ai pas mal d'amis qui sont francophones, qui sont choqués par le fait que le gouvernement est dirigé par un parti nationaliste, extrémiste, et qui ne représente pas... Tu dis que t'as pas mal d'amis francophones. Oui. C'est pas... Je comprends pas pourquoi tu dis francophone. Ah, parce qu'ils parlent français. Ok. Qu'en fait, au sein de ce gouvernement en Belgique, il y a... au niveau fédéral, il y a une représentativité francophone qui n'est pas du tout représentative de la majorité des francophones. Hein, c'est vraiment une partie qui est très minoritaire. Voilà, donc les gens sont un peu fâchés. Merci. Oh, ben de rien. Quelque chose à rajouter En fait, l'idée, tu vois, c'est de... Voilà, je vais prendre ta parole, mais aussi plein d'autres. Et oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire avec tout ça Non, mais ce que je veux dire, sérieusement, je suis très content qu'il y ait du monde, hein, mais je suis en même temps déçu qu'il n'y en ait pas assez, et que je pense que ça devrait interpeller tout le monde. Et que c'est vraiment... Si on réagit pas maintenant, j'ai l'impression que si on réagit pas maintenant, on réagira trop tard, plus jamais. Et c'est vraiment... il y avait une première manifestation en 15 jours, il y avait... moins de monde, ici il y a plus de monde, mais il n'y a pas, pour moi, pas assez de monde, quoi. Il n'y a pas assez de gens qui sont concernés et qui devraient se sentir concernés et qui pourraient se mobiliser. On a affaire à un déni de démocratie. C'est sûr, mais il y a plein de gens qui sont contents, enfin en tout cas qui préfèrent que les migrants... Il y a des gens qui préfèrent que les migrants... on les éjecte de... Enfin, on les accueille pas, quoi. Oui, bien sûr, il y a toujours ça. Il y a cette réalité-là, quoi. Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, bon, ça, c'est un aspect du problème, mais il y a un deuxième aspect du problème, c'est le respect de la démocratie. Enfin, je veux dire, on ne peut pas accepter qu'un secrétaire d'État ou un ministre mente à son premier ministre et au Parlement. Ça, c'est vraiment... Mais évidemment, mais à mon avis, il n'y a pas que lui qui ment. Hein. Mais ils mentent tous, évidemment. Tu vois, seulement lui, il flagrosse un peu. Hein. Il fait des coups... le Théo, il fait des gros coups, chaque fois, complètement foireux. Oui, mais il fait des coups calculés, plus ou moins. Jusqu'à un moment, il va faire un coup qui est mal calculé. Mais tout ça, c'est évidemment... c'est motivé par des calculs électoraux, parce qu'il y a des élections en Belgique dans un an. Donc, tout ça... je veux dire, la démocratie devient l'otage de calculs électoraux, simplement... c'est pas acceptable, voilà. C'est pour ça que les gens doivent se bouger. C'est pas seulement... C'est pas seulement pour ces fautes pour le respect des droits de l'homme, mais c'est aussi pour le respect des institutions. Je crois que ça aussi, c'est important. Sinon, on fait n'importe quoi. Merci. Voilà. Ouais, merci à toi. Allez, je continue. Bonne chance. Mais non, merci. Oui, merci à moi, c'est très bien. Je peux vous importuner un peu, chère personne? C'est anonyme, on ne voit pas. Et donc, c'est un micro ouvert qui se balade pour savoir un petit peu, tiens, qu'est-ce que vous faites là, en fait? Je parle. Non, simplement, pour parler simplement pour je fais un acte citoyen. C'est-à-dire? C'est-à-dire manifester mon mécontentement par rapport à ce qui se passe, tout simplement, pour la politique de l'immigration, évidemment, mais plus largement, pour tout ce qui se passe depuis qu'on a ce gouvernement qui est au pouvoir et qui nous emmerde à tous les niveaux, l'éducation, toutes les choses importantes qu'on est en train de foutre à la andrie, mais tout doucement à la trappe, la poubelle. C'est tout simplement ça, quoi. Et je trouve qu'il faut être plus solidaire. Il y a du monde, mais il faudrait qu'il y ait encore plus de monde. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais la manif ici, moi j'entends bien ce que vous dites évidemment et que c'est, enfin, ça me parle évidemment. Mais aujourd'hui c'est vraiment toute l'histoire avec ce Théo Franken que l'idée c'est de l'éjecter quoi. Vous pensez qu'il y a des chances que ça marche, qu'il soit éjecté? Mais moi j'ai mon petite idée là-dessus. J'ai l'impression qu'il ne sera pas éjecté de toute façon, malheureusement. Et dans les deux cas, ça met à mal le gouvernement et la Belgique in extenso. Bon, l'image de la Belgique, bon, je ne suis pas nationaliste dans l'idée de la nation belge, mais je ne crois pas que... C'est bien que ça se fasse, il faut le faire, mais ça ne changera rien. Ça va juste précipiter les choses et on verra au mois d'octobre ce qui va se passer aux élections, tout simplement, et au mois de mai. Alors là, on va voir. Vous dites que ça va précipiter les choses, c'est-à-dire... Ça va précipiter le dégoût des gens, tout simplement. Dégoût de la politique. Le dégoût de la politique. En tout cas, de cette politique-là aussi. Et de cette politique, ouais, exactement. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Je me prends les mots de ma bouche. De toute façon, je crois que c'est un phénomène qui est général à l'Europe. Il y a vraiment un souci au niveau de l'argent. Une Europe aurait dû être plus sociale dès le départ. On l'a pensé économique avant tout. Et maintenant, on voit tous les dérapages, tout le contexte plus large qui était international, avec les changements, les marchés, la Chine, tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, et nous autres, maintenant, la Belgique, qui n'est peut-être pas très droit dans ses bottes au niveau européen aussi, moi je ne suis pas pro-européen, a aussi des comptes à rendre. Bon. Le marteau et l'enclume, dans l'autre sens, entre les deux, quoi. La Belgique se trouve être un pays avec des politiciens ridicules. Bah, c'est pas qu'en Belgique qu'il y a des politiciens ridicules, hein. Non, mais d'accord. En France, il suffit de regarder pas trop loin, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. Voilà. Donc la tendance est en train de changer, parce que les gens commencent à se réveiller. Souhaitons que ça continue et que, in fine, il y ait une révolution mondiale. Non, je dirais pas mondiale. Bon. Bah, vous êtes quand même souriant et positif, c'est bien ça. Pardon ? Je dis, vous êtes quand même souriant et positif, c'est bien. En même temps, ça craint. Je suis souriant, j'ai toujours été positif dans le fond, dans mes idées, en moi-même. Mais je suis très négatif. Quand on ne me connaît pas, je suis très négatif d'aspect. Ah ouais ? Oui. Je préfère garder le positif en moi et par contagion l'étendre et garder une face plutôt négative, qui est le reflet de ce qui se passe. Parce que le positivisme béat, ça j'y crois pas, ça, c'est ridicule, c'est un miroir aux alouettes. On pourrait parler de lucidité alors du coup, non? Voilà, c'est plutôt ça. Ben, j'espère qu'il y aura plus de monde, que c'est déjà pas mal quand même pour personne, et qu'il n'y ait pas de grabuge tout à l'heure, que ce soit... Parce qu'il y a des jeunes, des enfants et tout, donc que ce soit bien, quoi, tout simplement. Bien. Et que ça ait un effet. Vous croyez? Ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas, mais on en parlera quand même un petit peu. C'est déjà un bon début. Voilà. Je peux vous importuner un peu? C'est anonyme, il n'y a pas de caméra, hein, on ne sait pas qui vous êtes. D'accord. Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Je balade mon micro comme ça, tiens, pour vraiment... Depuis un mois, j'héberge des réfugiés. Alors j'ai eu des Libyens, des Érythréens, Éthiopiens, Soudanais. Parce que bon, j'ai un tout petit appartement, mais moi ça me semble impensable de laisser des personnes comme ça dehors dans la rue, voilà, dans l'insécurité surtout, non seulement dans le froid, mais dans l'insécurité, dans la peur. Et je suis allée deux fois visiter en centre fermé deux de mes... Oui, c'est vrai qu'on aura plus chaud. Deux de mes invités, entre guillemets, parce que je n'aime pas les qualifier autrement. Qui sont faits avoir par la police et qui sont ah oui en centre entre-enfermés, l'un à Stenokersel et l'autre à... Quand vous dites Merplasse. Avoir par la police, ça veut dire qu'ils sont rentrés chez vous ou... J'ai pas suivi, là. Non. Leur projet, c'était d'aller vers l'Angleterre. Mais vous parlez de qui, là? De gens que vous avez accueillis? Ah oui, ça fait un mois que j'accueille des réfugiés. Ok, et donc il y a des gens... On va dire des migrants. Des gens, oui, des migrants. Oui. Donc il y a des gens chez vous, oui, qu'on est venu chercher, c'est ça? Non. Non, on n'est pas venu chercher chez moi, non. De quoi alors vous parlez? Tous les jours, ils essayent, enfin, ou tous les deux jours, ils essayent de partir faire l'Angleterre. Oui, les migrants essayent de rejoindre l'Angleterre. Mais comme ils ont passé quelques nuits chez moi, je suis quand même inquiète pour eux et j'essaye de garder le contact, SMS ou téléphone, où j'essaye de garder le contact. Et j'ai perdu le contact de deux d'entre eux et j'ai appris qu'ils étaient enfermés, l'un à Stenokersel et l'autre à Merzplatz. Ah ouais, carrément quoi. Et l'un d'entre eux est en couple, il est futur papa et donc et sa compagne, enfin sa compagne, non, sa femme, ils sont mariés, sa femme est chez moi et voilà, c'est je dirais un peu dramatique et ouais, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire contre ça? Vous êtes ici à la manif alors ou pour quoi? J'imagine que ça... L'idée de cette manif, c'est dehors Theo Franken, hein? Ah bah oui. Très clairement. Ou changement de gouvernement, ou changement de politique, mais bon voilà, ça c'est clair. Parce que, bon, ils sont au parc Maximilien, mais qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce que la politique fait? Si nous... Les simples citoyens, on n'avait pas... Moi, je ne suis pas à l'origine, hein, je suis dans le bain il y a quelques mois. Mais si certaines personnes n'avaient pas mis en route un système participatif des citoyens... Ouais, de la solidarité, quoi. Solidarité. Mais qu'est-ce qui se passe pour eux, honnêtement? Est-ce qu'il y a quelqu'un du gouvernement qui va au parc Maximilien en disant, avec des feuilles dans leur langue, vous avez droit à ça et ça et ça? Mais non. Il faut que nous, on les dirige, en disant, si vous avez besoin de soins médicaux, vous avez, maintenant ça se passe ici au-dessus de la gare, si vous avez besoin de ça, on peut vous... vous avez droit à tel avocat, vous avez droit... Mais est-ce que quelqu'un du gouvernement va au parc Maximilien savoir ce qui se passe? Mais non. Ils s'en foutent, non? Mais exactement. Franchement, c'est d'une aberration, quoi. Alors, on dit qu'ils ne sont pas demandeurs, mais ils ne sont pas demandeurs. Mais demandeurs de quoi? Puisqu'on ne leur fout rien. Ils ne sont pas demandeurs. C'est ce que j'ai entendu dans le débat politique d'il y a quelques jours. C'est-à-dire? Ils ne sont pas demandeurs de rester en Belgique. Oui, mais attendez, qu'est-ce que la Belgique leur propose? Mais n'empêche, ça n'empêche pas d'accueillir les gens convenablement. Même s'ils ne sont pas demandeurs, on ne fait pas dormir les gens dehors. Exactement. Je ne pourrais pas les accueillir... ad vitam aeternam, parce que j'ai un tout petit appartement, mais au moins les quelques mois d'hiver, moi ça me semble impensable de laisser des gens dehors, quoi. Et enfin voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vous êtes confronté directement à ces questions-là en aidant les gens, en fait. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous savez, comment vous pressentez un peu les choses là? Comment vous voyez le futur? Je suis un peu sceptique, mais moi je le fais parce que je trouve que... Il faut le faire, on ne peut pas rester les bras croisés. Mais quand j'ai vu ce qui s'est dit, si j'ai bien compris ce qui s'est dit jeudi, je suis un peu sceptique sur la suite. Hein, mais bon. Ce qui s'est dit jeudi où? Comment? Je sais pas si c'était au Parlement, au Conseil des ministres, enfin l'interpellation. Ça n'a pas été très concluant, mais maintenant, je ne sais pas, histoire à suivre. Hein. Combien on sera ici? Qu'est-ce que ça va faire bouger? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose qui va se déclencher, quoi, je ne sais pas. Vous dites? Rien du tout, mon cher. Vous inquiétez pas. C'est qui siffle dans les sifflets? C'est vous? Hein? Non, presse. Non? C'est de la presse alternative. Français. Oh, sorry. Je suis désolée. Quoi désolée? Netherlands, sorry. Ja. Ah, nee, Nederland. Oh, jammer, jammer. Kun je geen Frans? Flor, Flor in het parlele Frans. Flor! C'est de la presse alternative, hein. Je suis presse alternative. Vous parlez français, vous? Oui. C'est pour qui ou quoi? Vous dites? C'est pour qui? C'est pour la presse alternative. Ouais, okay. Radio Campus, Internet, ouais. Les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que... Parce que vous avez une banderole? L'association s'appelle Solidarité pour tous, Solidarity for All en anglais. Et ça a commencé avec nos supports aux réfugiés qui sont à Calais et à Dunkerque, mais bien sûr ici à Bruxelles aussi. Notre drapeau, le signe consiste les tentes Tipi que nous distribuons en général partout où c'est nécessaire, ici au parc ou en France. Et nous sommes ici bien sûr pour supporter tout le monde qui est sous la pression du gouvernement NVA, néolibéral, Franken, enfin toute la misère. Nous partageons à tous ces sortes de manifestations, mais nous sommes surtout un groupe de gens qui sont dans la pratique de aide aussi. Non seulement politique, mais vraiment dans le field. Dans le field? Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire on va sur place, on va à Dunkerque, on va à Calais. Ouais, on va dans le concret, quoi. Ouais, voilà, dans c'est la ça. Pratique, ouais, le terrain. Oui, c'est ça. Mais donc, vous êtes des gens de... Vous êtes une assoce, quoi. Ou comment? Un groupe de gens comme ça, spontané. Oui, spontané depuis 3 ans maintenant. Hein. Ça bravo, a commencé, bravo. Ouais, ça a commencé avec... Calais. Avec Calais. Maintenant, on travaille beaucoup sur Dunkerque, hein, parce que le problème, c'est de déplacer par Dunkerque. Hein. Ah ouais, le problème c'est déplacer à Dunkerque maintenant. Et ici à Bruxelles bien sûr aussi. Hein. Ouais. Et vous dites? On fait des repas, on fait des collectes de chaussures, enfin tout ce qui est nécessaire. Et ici aussi à Bruxelles alors? Ici aussi à Bruxelles, oui. Okay. Voilà. Et vous pouvez un peu, parce que c'est de la radio, on ne voit pas, décrire votre banderole? Bah, sur le banderole vous voyez l'ensemble des politiciens. On l'a fait tomber. Européens qui se trouvent dans un bateau sur la mer méditerranéenne avec notre ami. Ils sont tous là. Ils sont tous là, voilà. Il y a, Hollande, Juncker, enfin oui, on ne va pas tous les citer. Hein, mais... Tous et les puissants dessous, du monde. Il y a une certaine personne qui coule déjà dans l'eau, qui veut être sauvée, et ça, il s'appelle De Wever. Mais il n'y a personne qui veut le prendre à bord et ça c'est le meilleur avec ce qui va se passer avec tous ceux-là. Ils vont tous être à l'eau et on espère qu'ils vont tous être voilà, dans la situation comme vous voyez là. Et pourquoi au fond, pourquoi vous faites tout ça, cher monsieur? Je parle en votre nom, mais je veux dire, vous êtes toute une bande. Parce qu'on est engagé, en politique, on est engagé, on n'est pas d'accord simplement à la politique actuelle qui est menée par ce gouvernement absolument intolérable et intolérant. Voilà, c'est ça. Voilà. Intolérable et intolérant, c'est plutôt gentil comme terme, ça, non? Ben, si vous voulez... C'est plutôt fasciste aussi, hein, voilà, non? C'est énorme. Pour nous on peut bien dire, voilà, bien sûr. Utilisons les mots, quand même, ben, non? Oui, voilà. Ouais, intolérant, oui, je trouve que c'est gentil. Oui, c'est gentil, oui, voilà. Voilà, vous avez bien raison. Quelque chose à rajouter? Je pense que c'est un peu l'ensemble de ce que nous faisons, ce que nous sommes. Vous croyez que ça sert à quelque chose, cette manifestation? Ben oui, parce que si on se montre pas et si on montre pas notre colère, voilà, ce sera trop gagné, ça sera trop vite gagné et on va pas lâcher. On va éviter que ça sorte dans l'obscurité, tout ce qui se passe. On veut que ça reste dans les médias et que ça il faut qu'on bien, comme, allez, oui, on, que vous soyez présent, voilà, vous soyez, voilà, que sûr, vous soyez là, qu'on montre. C'est pas un acte de fait divers qui se passe d'une semaine à l'autre comme ça. Et, non, on restera là pour justement éviter que ça s'aggrave encore et pour éviter que ça soit devenu accepté, tout ce qui se passe, on ne veut pas que ça passe comme ça. Hein, voilà. Et vous croyez vraiment que cette manif, après j'arrête? Mais vous voyez, moi j'aime bien aller en profondeur, ouais, c'est pas simplement moi, deux minutes. Oui, oui. Okay. Mais oui, vous avez dit difficile avec la langue, c'est ça? Bah, c'est pas difficile la langue, mais c'est pas ma langue maternelle, bien sûr. Vous vous débrouillez bien. Vite, une dernière, mais vous croyez vraiment que Theo Franken va être mis dehors? Il est quand même bien protégé, non, non? Il est trop protégé. Il a le peur des autres pour que... ce n'est seulement pas une question de Franck, c'est l'entier système complet qui est en cause. Hein. Après lui, ce sera un autre. Si on ne réagit pas, si les gens ne comprennent pas que la situation ne se change pas uniquement par le changement d'une personne vers un autre, que même si la démission de Franken qui sera en place, c'est pas le but en total, c'est enfin le but c'est que tout le système est en question, hein, toute notre soi-disant démocratie, est-ce que c'est encore c'est l'ensemble du système qu'on... Oui, c'est l'ensemble du système que vous voulez que vous dénoncez, en voilà, fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Okay. Peut-être une petite référence si jamais on veut aller faire de la recherche pour voir qui vous êtes. Solidarité pour tous. Ok. Solidarité for all. Vous trouvez ça sur internet. For, c'est écrit F-O-R. Hein. Okay. Pas en numéro, mais. Ok. Ok. Et chez vous, c'est. Chez vous, c'est pas. Ok. Je vais voir ça. Bonjour camarade. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Moi, ça m'émeut beaucoup, la situation des réfugiés, voilà, c'est pour ça. Oui. C'est juste pour ça. Et qu'est-ce qui vous touche? Notre égoïsme et... Le vôtre, le mien? Non, pas le nôtre, le mien, mais celui de la société belge en général et leur situation dans laquelle j'aimerais pas être, donc... Voilà, je m'identifie à eux, je voudrais... Vous parlez de qui exactement? Des réfugiés, je voudrais pas... Enfin, des migrants, je voudrais pas être à leur place, donc voilà, je m'identifie à eux, je trouve qu'on doit être plus solidaire vis-à-vis d'eux. Et vous pensez qu'en étant ici, avec votre vélo à la manif, c'est important, ça va changer les choses? Comment vous voyez? Je pense qu'il faut qu'on montre qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec la politique qui est menée, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Très bien. Quelque chose à rajouter spontanément sur tout ça? On est beaucoup, pas beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas encore suffisamment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se dépassent pas forcément, mais qui malgré tout sont du même avis. Je l'espère en tout cas. Oui, je la vois, sur la droite. Dans le sens où moi je progresse, c'est sur la droite. Ça, c'est mauvais. Ici, je vois une pancarte avec Michel Franken dégagé. Hein? Oui, elle en dit suffisamment, je pense. Oui, mais pourquoi, comment? Comment ça se fait? Vous écrivez ça? Comment faire? Non, pourquoi, comment? Je discute un peu, je me balade avec mon micro pour savoir qu'est-ce que les gens pensent, comment ils voient la chose. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un Franken, on puisse le mettre dehors et son Michel aussi? Je pense qu'il faut que le gouvernement s'en aille, c'est tout simplement, voilà. Et pourquoi? Ce qui est tout à fait incompréhensible, c'est que ce gouvernement ne daigne pas entendre la voix des citoyens. Un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme, un gouvernement qui collabore avec la police secrète d'une dictature, quelle est encore la légitimité de ce gouvernement? La légitimité d'un gouvernement ne tient pas seulement au nombre de voix qu'il a récoltées pendant les élections. La légitimité d'un gouvernement tient à la politique qu'il mène, au respect des droits internationaux. Or, ce gouvernement-ci bafoue les droits internationaux et nous avons un secrétaire d'État qui vient mentir devant les députés. Quelle est encore la légitimité de ce gouvernement? Il faut qu'il dégage, c'est terminé. Il a bien dit, il a bien dit là, hein, pas mal, pas mal. Et quoi, vous trouvez qu'il y a du monde? Vous êtes satisfait? Oui, quand même. Ouais. À votre avis, on est combien là? Aucune idée, justement, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune notion de ça, moi. Je sais pas. Ça évolue, on peut le dire, ça évolue. Depuis la dernière fois, ça évolue. Le nombre de personnes était moindre la dernière fois. Il y a 15 jours, donc. Il y a du bon, il y a du bon, encore une fois, et ça sera. On y sera, quoi. Ils vont finir par dégager, on l'espère. On le sent, ça progresse. Ouais, vous croyez? Oui. C'est positif, ça. Oui, oui, oui, il faut. Ah oui, il faut, c'est ce qu'on aimerait bien, mais. On va les faire partir. Il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance, hein. C'est vrai. Je leur pense. On avance un peu, le gars que je veux voir, il est près de la maison rose, là-bas. Bonjour, je suis un média gentil, alternatif, d'accord? Ah, ça existe? Ah, mais oui, oui, complètement. Eh ben. Donc je me balade avec mon micro un peu pour savoir qu'est-ce que font les gens là, blabli, blabla. Qu'est-ce que vous faites là en fait? Vous êtes venu par hasard? Vous avez vu du monde? Ah non, mais l'autre fois tu l'avais fait. On va commencer par les jeunes. Voilà. Oui. Une question de mettre des mots, une question que ce soit toujours les mêmes qui les mettent. Et tu vois, ce qu'elle dit, c'est que c'est toujours moi. Ouais. Alors, je ne mais il parle bien, non, parce que c'est une histoire d'ego et de confiance en soi, en fait. De parler? Ben oui, j'ai peur d'avoir un discours pas assez construit. Comme je suis prof, ben j'ai une pression. Mais comme je suis anonyme, c'est bien. Ben oui, voilà. Pourquoi je suis... attends, alors pourquoi je suis là? Parce qu'il me fout les jetons, Frankenstein. Ouais. J'ai toujours eu peur de Frankenstein et je pensais pas qu'il existait. Voilà. Et de quoi il vous fait peur? Pourquoi il vous fait plaisir? Mais parce que j'ai l'impression. Ah, j'ai froid et du coup ma bouche elle est. Froid, hein, elle est sèche. J'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut et qu'il a l'air assez incompétent et d'avoir une certaine méconnaissance des lois. Donc, entre autres. Mais il faudrait d'abord que je réfléchisse à. Oui, pourquoi je suis là? Pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que par moment on s'endort. Il y a un homme qui disait sur le site de la plateforme qu'on était endormi dans nos trains quotidien. Sur le site de la plateforme des réfugiés, vous parlez? Oui, c'est ça. Et j'aimais bien cette idée d'être. Enfin, j'aime pas cette idée d'être endormi dans un train quotidien. Quand d'autres ont leur train quotidien, c'est. C'est pas un train-train, quoi. Eux, ils sont obligés d'être réveillés tout le temps, quoi. Donc je trouve ça un peu trop extrême, tout ça. Et quoi, et vous pensez alors qu'en venant à la manif, en étant présente, il y a moyen de changer les choses? Donner bonne conscience, hein, voilà, comment vous... Ah ouais. Hein, mais y a clairement de la bonne conscience, l'envie de lien, d'être avec les gens, se faire plaisir, parler... être dehors, mais je crois quand même qu'il faut une visibilité et qu'on a quand même un peu de chance, on peut encore un peu manifester. Je ne sais pas si ce droit à la manifestation va durer très longtemps. Le cynisme s'installe de plus en plus et je crois qu'on part dans de mauvaises directions. Donc s'il nous reste ce droit-là, et puis même les sans-papiers, ils ont besoin de nous. Eux ne se posent pas cette question-là, en fait. Eux, ils ont envie de venir là, parce que beaucoup viennent de pays où si on manifeste, c'est que c'est déjà un tout petit peu démocratique, quoi. Je réagis à ce que vous êtes occupé à dire, hein, mais quand vous parlez de... Oui, pour le moment, on a le droit de manifester dans la rue. Ça veut dire que si on n'avait plus le droit, vous ne vous battriez pas pour continuer à être présente? Si. C'est que juste, je suis pas quelqu'un qui argumente très, très bien. Je suis plus dans l'intuition. Et voilà, j'aime mieux les échanges avec les gens. Il y en a d'autres qui argumentent mieux, qui parlent mieux. Et j'ai juste... Vous parlez bien, arrêtez. Oui, oui. Après, on peut dire des choses, et puis moi je rebondis, et du coup vous exprimez encore mieux la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je ne me suis pas vraiment renseignée sur ces histoires de manifestations, mais j'ai réfléchi tantôt quand une amie m'a dit moi j'aime pas, je trouve que ça sert à rien les manifs. Mais c'est quelqu'un qui. C'est votre amie qui a dit ça? Une amie qui m'a dit ça, oui, et qui. qui a fait des manifestations, mais qui n'aime pas l'idée de récupération politique. Et moi, je me dis que de toute façon, de récupération politique, il y en aura partout. Enfin, et alors, dans ce cas-là, on ne fait plus rien, quoi. Mais surtout, aujourd'hui, la être dans la rue, aujourd'hui, j'ai l'impression un peu que c'est un acte de plus en plus important, quoi. On doit montrer qu'on est là, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se met en place. Que les manifs, oui, il y a peut-être 10 ans, vous savez, vous avez votre petit tour. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire votre petit tour, on vous donne l'autorisation, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose qui changera. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme la politique devient de plus en plus étroite, enfin fasciste, quoi, clairement, mettons aussi des libérales, quoi. Ouais. Du coup, il faut montrer qu'il y a des gens, enfin qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et qui doivent être présents, ils doivent se montrer en nombre, quoi. Ouais. Vu la manifestation, c'est important de montrer qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Oui, et surtout dans un contexte où ça se banalise, en fait. Il y a des actes qu'on commence à accepter parce qu'on est fatigué, parce qu'on est toujours en train de courir, parce qu'on est peut-être dans trop de confort, au final, et peut-être quand on aura un peu moins de confort, on aura envie de réagir. Mais moi, ce que je crains le plus, c'est que, oui, qu'il y ait des lois qui passent et que ça devienne quelque chose de banal. Voilà, oui, c'est ça. Donc c'est très bien que les gens soient dans la rue, non ? Oui ! Bravo ! Soyons plus encore ! Et qu'il y ait des médias indépendants et gentils. Ah, voilà. Ben, ça fait juste plaisir d'être avec plein de gens. En fait, il y a des bonnes énergies, ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur. Merci. Merci. Vous avez très bien parlé, hein. Oui, après, les idées reviennent, tu vois, mais au début, quand on me dit pourquoi vous êtes là, il y a des questions qui font peur, comme ça, on se dit, oh là là, pourquoi... Ouais, je comprends, mais surtout aussi quand on a affaire à quelqu'un, moi, les médias traditionnels me font peur, les médias dominants, parce qu'ils ont quelque chose dans la tête et ils veulent confirmer ou le contraire, et moi, j'aime pas trop, tandis que là, c'est vraiment liberté, vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez. Bah oui, l'autre fois, j'ai emmené des élèves voir un film sur... une centaine d'élèves, et c'était sur un peu la résistance. Enfin, il y avait Gaël Faye, un écrivain qui était là pour parler du génocide rwandais. Et à la fin, il y avait des journalistes qui m'ont dit « Mais pourquoi vous emmenez vos élèves ici ?» Et j'avais trouvé ça super difficile d'être très concis quand c'est des problématiques compliquées. Et après, ça passait sur la télé bruxelloise. Et je disais « Ah, mais j'ai quand même dit ça et ça. » Je ne pensais pas qu'ils garderaient cette phrase-là. Et les médias, moi, je les regarde de moins en moins, je les lis de moins en moins. Enfin, oui, vraiment ? Il n'y a pas d'alternative là-dedans ? Non, je lis, mais avec un esprit de plus en plus critique. Et oui, je m'intéresse quand même à Médor, à ceux que je connais qui sont apparemment indépendants. Ouais. Mais vous, je ne vous connais pas. Hey, salut. Ah mais ils sont où les autres? Ah ben je sais pas. J'avais dit de rester groupé. Tu l'as pas vu? J'avais dit de rester groupé là. Il n'y a pas de café sur le parcours. Donc. Et qu'est-ce que tu fais là, toi, alors? Le gars la médiathèque, mais on ne dit plus la médiathèque. On dit quoi, mais culture? On s'en fait, fout. On dit médiathèque parce que sinon on comprend rien. On va passer tout près d'endroits où il y a des champignons et je comptais cueillir des champignons. Ah ouais? Et tu m'enregistres pas, c'est de la connerie ce que tu racontes. Ah oui, toi tu t'en fous de la manif, tu viens pour voilà, les champignons. Voilà, moi j'ai vu de la lumière, je suis passé. Bah, on est en plein jour en même temps. Hein. Oh, oui. Réveille-toi là. Ouais, oui, mais justement, j'ai des yeux de chat, donc je vois tout inversé. Non, j'ai envie que des coteries pour l'instant. Et quoi, on peut parler sérieusement ou pas? Qu'est-ce que tu fais là? Tout de suite. Hein? Mais je participe à cette manifestation. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a... Il y a une politique qui pourrait être faite autrement et que... Ce que je n'aime pas, surtout dans la manière dont elle est faite, c'est comment elle est médiatisée à la façon d'un pas dire d'un jeu de vidéo, c'était un peu facile, mais disons que certains utilisent un peu cette problématique pour se... Quelle problématique tu parles ? En général, de l'accueil... Que ce soit l'accueil des migrants en général, que ce soit celle des réfugiés, certains, disons, voient cette gestion-là comme une espèce de... d'attitude dans le... Enfin, ça devient... Oh, je m'exprime très mal. Allez, on recommence. Je voulais dire par là que dans la politique actuelle, la façon dont c'est fait, il y a une espèce de personnalisation, voilà, de cette politique qui est faite comme si on allait avoir un champion de la protection du pauvre peuple belge dont l'origine des problèmes se situe à l'extérieur. C'est-à-dire justement dans l'arrivée des migrants, dans l'arrivée des réfugiés et aussi quelque part dans... Ce qu'on assimile souvent et ce qu'on ne distingue pas suffisamment, qui est l'immigration en général. Donc auquel on attribue toute l'origine de tous les problèmes, la dégradation, la paupérisation, la pression sur les salaires, puisqu'à ce moment-là, il y aurait des tas de gens qui pourraient se faire payer moins. Le travail, on se bagarre pour le travail. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une hyper-personnalisation autour d'une personne, d'un ministre, qui est assez gênante et qui va se profiler comme un espèce de super défendeur du bon peuple entre guillemets flamand et entre guillemets belge, et comme si tous les problèmes étaient aussi simples et qu'il suffisait de prendre un bouclier, une épée et de jouer le chevalier, le grand chevalier, le grand défendeur de je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein. Voilà. Mais c'est compliqué parce qu'en plus on voit ici, il aurait pu y avoir un petit peu plus de monde, et parce que si aujourd'hui je sens dans cette manif... Mais c'est déjà mieux que la première manif où il y avait, tu te souviens, oui, pendant les vacances de Noël. Oui, oui, mais 200 personnes, c'était juste un clin d'œil pour contre... Les 10, les 10 pour. Les 9, en fait, c'était 9. Il y avait un chien. 9 précisément. Oui, 9, il y avait un chien, il paraît, qui a été compté comme une personne. Non, mais il y a, en fait, c'est délicat parce qu'on connaît la complexité de la politique belge. Il y a aussi clairement l'enjeu des élections, le climat international, avec le terrorisme en phénomène de fond qui génère une espèce de sentiment comme ça de menace permanente. Et visiblement, aucun parti politique non plus n'a clairement plus profité, certainement pas. Ah, le premier pétard. Voilà, le premier pétard, dans la majorité. Vous avez eu peur, hein, je vois. Moi aussi. Dans l'opposition aussi. Bon, on connaît aussi pour l'instant l'état du PS, déplorable du PS, et parce que pour l'instant dans l'opinion publique, pour l'instant, le soutien aux réfugiés est minoritaire. Il n'est pas nul, il n'est pas aussi bas qu'on ne pourrait le croire. Tu veux dire le soutien aux réfugiés, si, tu parles les soutiens, le soutien populaire, le soutien des gens, les soutiens de... Il y a un soutien populaire qui est réel. Qui est réel. Il suffit de voir les actions que fait par rapport ici au parc par Maximilien. Mais heureusement que c'est là. Hein. Oui, mais pas seulement ça. Mais je veux dire, il y a ça. Mais par rapport à la politique de Franken, il y a aussi une espèce de soutien implicite d'un public qui se défoule, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand tu les interviews, que ce soit quand tu leur demandes aussi leurs intentions de vote. Tu vois ? Mais c'est aussi lié à un contexte international, c'est lié au sentiment aussi que t'as quand même une situation économique qui n'est pas si rose que ça, et surtout c'est ce sentiment de peur depuis quelques années, depuis les premiers attentats. Et les gens font souvent l'amalgame. C'est-à-dire, les méchants migrants ne doivent pas venir parce qu'ils sont capables de mettre des bombes. Les méchants migrants seraient au travers des migrants, circuleraient aussi des porteurs d'un extrémisme quelconque, musulman, voilà. En fait, quelque part, ce serait dans la marée, ce serait des éléments qui seraient ça, ou se viendraient renforcer. Ou que les migrants seraient des gens qui seraient adeptes de cette mentalité-là, alors que c'est plutôt se dire que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des gens qui sont partis de là-bas. Parce que, justement, il y avait des événements qui étaient dus à manifestations extrémistes, enfin, j'ai de la guerre. Ce que les gens fouillaient en Syrie, c'était soit le régime de Bachar, soit Daesh. Soit Daesh. Ah. On dirait qu'ils ont fumé les deux, puisque dans une guerre, il y a deux parties, mais tout le monde s'est tapé dessus. C'est déjà extrêmement complexe. Surtout, c'est quand même oublié aussi que je crois que, de par le système économique mondial, il n'est plus possible d'envisager maintenant qu'il n'y ait plus de peut-être pas de migration, mais de passage de population d'endroit à l'autre. Ça a toujours été le cas et ce sera encore le cas. Mais avec le climat, on annonce encore beaucoup plus de gens. Les marchandises circulent, la planète est une petite boule au niveau des échanges économiques, des échanges culturels, il y a des flux de données, etc. Alors, faudrait qu'on reste chacun chez soi, mais que tout le reste bouge. Il faudra m'expliquer ça, que le vivant ne peut pas rester. Le vivant doit rester où il est, et l'inerte, autrement dit, les marchandises ou les flux de données, ça bouge. Il faudra qu'on m'explique ça. Et quoi, tu crois que ça, c'est possible que Franken va être mis dehors, que ça va pas marcher? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par contre, ce que j'espère, c'est que Franken est quelqu'un qui, je crois, a un orgueil extrêmement bien placé, ou mal placé, c'est selon. Ah, alors là, il faudrait que tu m'expliques. Je crois que Franken... c'est ton pote, tu le connais, t'as déjà mangé. Non, mais je dis, Franken est intimement persuadé que sa politique est la seule valable. Et qu'il le fait au nom de la population. Il le croit tous, quoi. Attends, laisse-moi arriver jusqu'au bout de mon vie. Je ne défends pas ce qu'il dit. Non, mais t'as le droit de défendre. Je dis, attention, ce que je veux dire par là, c'est un peu comme... je vais faire une comparaison qui n'est pas raison avec celle de Sarkozy. Sarkozy a toujours cru qu'il allait être réélu parce qu'il était tellement persuadé qu'il était l'incarnation même du pouvoir, qu'il avait toutes les qualités d'homme d'État et qu'il avait cette espèce de séduction sur les masses. Il a péché par orgueil, il s'est fait avoir au prochain truc. Je dis, Franken pourrait connaître d'autres bévues parce que justement, il a l'impression qu'on peut tout lui passer, puisqu'ici, on lui a déjà passé des choses. On lui a passé que la NVA a imposé au gouvernement belge de dire non, on ne change pas, non, c'est nous qui avons raison. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que d'ici aux élections, il va se passer des choses, et il y a toujours aussi les incertitudes du moment, les incertitudes de ce qui peut se passer autrement. Je veux dire, il peut tomber, peut-être pas maintenant, peut-être pas à cause de cette manifestation, mais il peut encore tomber parce que rien n'est écrit. Et bah que, oui, évidemment, voilà. Ça. Oui. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est, c'est que il a les orgueilleux sont souvent les premiers à se faire chuter eux-mêmes. C'est en ça que je dis ça. Voilà, mais je ne le défends pas, je dis juste que... Mais t'as le droit de le défendre, hein. Je vois bien que tu l'aimes bien. Oui, j'aime bien sa coupe de cheveux, moi qui ai encore pas mal de cheveux à mon âge, à mon vieil âge. J'ai de l'amitié pour les gens qui ressemblent à des culs de chien rasés. Voilà. Non, et puis Franken, il me rappelle un peu quand j'avais des petits soldats en plastique quand j'étais petit, et il y avait un soldat allemand sans casque, et... C'était lui, quoi. Je m'en ai pensé. Franken, voilà. Donc, quand je dis ça par rapport à Franken, par rapport à... C'est que c'est le complexe... Enfin, le système belge est d'une complexité incroyable. Et que ça peut être très négatif, du genre tout le monde voir la NVA, qui, entre parenthèses, évidemment, ça gêne personne aussi de les voir cul et chemise avec le Voka, qui est quand même le surpatronat flamand dans une politique qui est quand même ultra-droitière, enfin ultra-libérale plutôt. Ça évidemment, ça ne gêne personne. Mais je veux dire, ce côté triomphaliste, à un moment donné, ça finit toujours par se retourner contre ceux qui le portent. Voilà. Le Voka, c'est le patronat flamand. Le Voka ? Ouais. Ils sont cul et chemise avec la NVA. Mais je veux dire, ça... Visiblement, parfois, même en Flandre, certains, entre guillemets, gens du peuple, enfin, gens qui seraient plutôt de condition ouvrière... Continue. C'est à cause du chien, là, il me désorganise. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, visiblement, cette espèce de concomitance... Non, mais quand le Voka dit quelque chose, la NVA dit la même chose, ou l'inverse, ça, visiblement, ça ne secoue personne. Ça ne joue personne, y compris dans leur propre électorat. Parce que tu as beaucoup de petits ouvriers flamands qui votent la NVA et qui n'ont pas l'air de se rendre compte qu'ils sont les premiers à vouloir la dégradation des conditions de travail, qui ont déjà été quand même pas mal détricotées ces derniers temps. Quoi. Deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Deuxième, troisième génération, nous sommes... Yalla. Frankenbeuten, Michel, Vegas. Frankenbeuten, Michel, Vegas. Frankenbeuten, Michel, Vegas. Frankenbeuten, Michel, Vegas. Le premier ministre. Frankenbeuten, Michel, Vegas. Frankenbeuten, Michel, Vegas. Dégage Franken Weizen Michel Frankenbeuten! Michel, dégage! Frankenbeuten! Michel, dégage! Frankenbeuten! Michel, dégage! Frankenbeuten! Michel, dégage! Frankenbeuten! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! Théo, facho! Michel, collabo! C'est les mêmes, en fait. Bonjour. Bonjour. Vous inquiétez pas, je peux vous rencontrer un peu là. C'est pour la radio, c'est anonyme. C'est juste demander, tiens, qu'est-ce que vous faites là? Alors, ce qui m'a intéressé dans la manifestation, c'était le fait de réfléchir aux valeurs qui nous unissent. Et je suis ici grâce à un neveu qui a fait la publicité de la manifestation. Je suis ici avec ma fille, ma belle-mère. Et donc l'idée, c'est de montrer notre solidarité aux réfugiés, les héros malgré eux de toute cette histoire. Et l'idée est aussi de montrer qu'il y a moyen de réfléchir autrement à d'autres solutions politiques que celles qui sont pratiquées pour l'instant. Donc c'est, j'espère, le point de départ d'une réflexion à plus long terme pour un avenir durable. Voilà. Et quoi, vous croyez, on peut marcher en même temps, hein. Vous croyez que ça va marcher, que le Franken, on va réussir à le mettre dehors? Vous croyez que le monsieur Franken, on va réussir à le mettre dehors? Moi, ce n'est pas du tout le but de ma présence ici. Je crois que c'est une très mauvaise idée de manifester contre des personnes. Je crois qu'il faut surtout manifester en faveur de valeurs, d'idées et de solutions. Je ne crois pas que M. Franken soit le problème dans toute cette histoire. Je crois qu'il faut que les politiciens reçoivent un message positif sur des solutions durables et pas des mesures qui sont là dans un but court terme d'attirer des voix, mais surtout des mesures qui permettent de faire avancer la société belge et le monde dans son ensemble. J'entends bien ce que vous dites, mais c'est trop conceptuel. Il faut rentrer un peu plus dans le concret, c'est-à-dire que vous savez bien que la manif, c'est que le thème, c'est quand même la politique, ce qui s'est passé avec Franken et compagnie, le gouvernement. Pas pour moi, j'ai peut-être mal compris le message, mais c'était pas c'est comme ça que je l'ai compris. C'est quoi exactement votre message, à part dire que... Mais montrer que... Mais, quoi exactement, donc des choses concrètes, parce que vous avez entendu que le gouvernement a commis des erreurs. Vous avez entendu que les gens chantent des chansons. Vous avez entendu que les gens chantent des chansons pour dire, dehors, dehors, Franken, oui, le gouvernement Michel. Personnellement, ça me dérange. Mais pourquoi expliquer ? J'arrive pas à comprendre. Ah, parce que pour moi, le but, c'est de changer l'orientation du gouvernement. C'est pas de changer le gouvernement. Moi, je suis un démocrate, donc je respecte le choix des électeurs d'avoir voté pour des partis. Que des partis aient formé une majorité, c'est le système belge. Et je reste convaincu que c'est un bon système. Donc je suis convaincu que le but n'est pas de défaire des gouvernements. Effectivement, la question est bonne. Est-ce que quelqu'un qui ment à son Premier ministre, qui ment à la population, mérite de rester secrétaire d'État? Mais pour moi, ça, c'est pas le problème principal. C'est quoi? Alors expliquez. Oui, si. Dites-le avec des mots qu'on comprenne bien, parce que sinon, ça fait trop conceptuel, vous voyez. Vous dites que vous êtes démocrate, c'est ça? Mais ça veut rien dire. Soyez un peu plus dans le concret. Ça veut dire beaucoup, donc... Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire de chercher ensemble des solutions durables. Donc c'est vraiment pas essayer d'éliminer une personne, d'éliminer un migrant, d'éliminer un ministre. Mais c'est une politique, hein, monsieur. C'est une politique qui est menée en ce moment, qui est quand même énorme. Hein. Je sais pas si vous êtes Moi, je suis assez choqué, effectivement, du manque d'accueil des migrants et des personnes en général qui transitent par notre pays. Et donc c'est pour ça que je suis ici, pour montrer que la Belgique, c'est autre chose que la Flandre, que la Wallonie, que Bruxelles, c'est autre chose que l'image que certains membres du gouvernement ou que le gouvernement peut penser, peut donner à croire. Après j'arrête, hein, mais c'est pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, ou sinon on dit des choses oui, comme mais ça. Mais vous n'êtes pas la bonne personne à interviewer dans ce mais cas-là. Tout le monde, tout le monde. Vous avez sûrement, enfin voilà, vous partagez des choses. Vous, oui, bien sûr, ce que je comprends, c'est que vous êtes pour amener des idées autres, mais pas pour chasser en tout cas, les gens. Pour mettre en avant, voilà, pour mettre en avant des valeurs de solidarité internationale et simplement une solidarité humaine. Oui, mais pour faire ça, il faut des fois, c'est peut-être pas le bon terme, je pourrais le dire plus gentiment, baquer des gens, mais ça veut dire que c'est pas le bon mot, baquer, mais il faut qu'un gouvernement se mette autre en place, enfin qu'un autre gouvernement se mette en place. Oui, hein. C'est pour ça qu'il y a des élections, il y a des élections, on a encore la chance oui, mais, dans un pays démocratique. Oui, mais croyez encore à tout vous ça. Vous essayez de me convaincre de quelque non, chose. Non, non, pas du tout. Interviewer. J'essaye, j'entends ce que vous dites hein, depuis oui. le début. Oui, je oui. vous laisse parler, je vous donne votre. Oui, maintenant, c'est à moi aussi un peu à réagir. Oui, bien sûr. Vous oui. me comprenez. Sinon, voilà. Non, je comprends pas tout à fait la démarche, mais bon, continuez parce que. Monsieur voilà, c'est pour quelle radio en fait que vous interviewez? Mais ça n'a aucune espèce d'importance, ça. Non, mais ça m'intrigue. Parce moi, que je vous laisse. Je vous laisse. Ouais. Ben oui, j'interview avec moi-même. J'ai déjà mon avis. Je pense que ce gouvernement, il n'est pas bon et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Oui, oui, mais d'accord. Vous ne ressemblez pas à une journaliste. Donc vous m'interviewez sans avoir l'air d'une journaliste, en fait. Je suis de la police, en fait, monsieur. Oui, oui. Ça, je suis de la police et je suis occupé à mettre tout en place pour voilà, vous. Pour un fichier. Pour vous, voilà. Oui, c'est vrai que c'est une hypothèse. Mais non, mais voilà, je veux dire, vous m'avez donné votre avis, voilà, j'essaye de le comprendre et je ne le comprends pas très bien parce que la manif... Je ne suis pas un champion non plus, je ne suis pas quelqu'un qui suis engagé politiquement, je suis juste sensible au sort des réfugiés, je suis sensible à l'image véhiculée par le pays au travers d'un gouvernement que je n'ai pas choisi, que je subis, mais que je respecte. Et je crois qu'on peut influencer les décisions du gouvernement en manifestant. Eh bien, très bien, tant mieux, mais peut-être il va falloir se battre bientôt. Ah, s'il faut se battre, il faut se battre, oui, effectivement, c'est moins drôle, mais il faut l'envisager. Je crois que, heureusement, pour l'instant encore, on est dans un pays démocratique, mais le jour où ce ne sera plus le cas, effectivement, je me battrai. Vous êtes d'accord? Ah, bah, ça me fait plaisir. Ah, ben voilà, c'est bien, c'est bien. Pour la démocratie. Pour le respect des droits de l'homme, je suis prêt à me battre. Super. Merci. On est d'accord. Non, parce que sinon, ça faisait trop... Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, si on n'a plus le droit de manifester, de manifester dans cette politique, quoi... Je ne crois pas qu'il en a été question, hein, le droit de manifester. On voit bien que bon, c'est une gentille manifestation, mais je n'ai pas l'impression qu'en Belgique, on interdise de manifester, à part pour l'extrême droite peut-être. Et là, je crois qu'il y a des bonnes raisons aussi d'interdire, dans certains cas, les manifestations. Vous savez que dans certains pays, la manifestation est interdite. Tout à fait. Ben, je veux dire, ça pourrait arriver ici, à un moment donné aussi. Il faut être très vigilant. C'est pour ça que ça me fait plaisir qu'il y a autant de participants. Venant de tous les horizons, de tous les partis politiques, d'ailleurs. Merci en tout cas. Voilà, merci à vous aussi d'être là et d'interviewer les gens. J'espère que vous aurez plus de facilité avec les prochaines personnes. Mais non, arrêtez, ça marche très bien, ça marchait très bien avec vous aussi, mais je comprenais moins. Je comprenais moins ce que vous vouliez dire parce que, vous disiez que c'est pas une manif pour mettre les gens dehors, mais si, c'est quand même ça l'objectif. C'est pas comme ça que j'ai comprise moi, mais effectivement, moi je ne suis pas ici dans le but de mettre quelqu'un dehors. Je crois que c'est se tromper de combat en fait, hein, de se battre contre une personne. Parce que derrière c'est un gouvernement, mais oui, mais c'est. Et donc, en éliminant une personne, en fait, on ne fait que renforcer. Des électeurs qui ne partagent pas les mêmes avis que moi à voter pour des personnes qui ne font pas avancer le monde comme il faudrait, pas de façon durable à mon avis. Ouais, là, j'entends ce que vous dites, mais je ne le comprends pas bien. Parce que je pense que les gens... Crois que c'est à double tranchant, en fait. Quand on se focalise sur une personne... C'est pas sur une personne, c'est sur un gouvernement, sur une politique qui est menée, et surtout sur des faits qui se sont mis en place et qui disent très clairement que Monsieur Theo Franken commet des choses pas justes, graves, qui entravent nos droits. On parle de vie humaine, effectivement, oui. Non, mais tout à fait d'accord. Quand on parle de vie humaine, d'erreur d'un gouvernement, je crois que c'est beaucoup plus pertinent que de parler d'une personne qui, malheureusement, je crois, est aussi une marionnette aux mains d'autres personnes, en fait. Et donc, on peut se battre contre une marionnette, mais elle sera remplacée par une autre. Donc ce qui compte, c'est vraiment les idées qui sont derrière et essayer de montrer que l'opinion publique est capable de réfléchir et d'opter pour d'autres solutions que celles proposées et mises en œuvre par un gouvernement. Et ça permet peut-être, dans un monde que je crois encore possible d'amélioration, de réfléchir la direction prise par un gouvernement, par un parti, et par une équipe au gouvernement. Génial. Oui. Merci, monsieur. Bonne route, hein. Mais on dirait qu'il y a du monde, là, maintenant. Il y a encore plus de monde que tout à l'heure, quoi. La quantité de personnes se augmente. Se multiplie. Oui, effectivement, oui. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? N'ayez pas peur de moi. C'est un micro. Il n'y a pas de caméra. Et j'avais envie d'entendre la parole de femmes comme ça. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Qu'est-ce que vous faites à la manif? Pourquoi vous êtes là? Ben, on est là pour que M. Franken s'en aille et le gouvernement avec. Ah oui? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une politique indigne, aucun respect des conventions internationales, aucun respect de rien du tout, ni de la personne humaine, ni de la dignité, ni rien du tout. Donc, Biden, toute la bande. Quoi, et vous croyez que ça va marcher? On est quand même apparemment 6 000 ennemis d'après la police, donc peut-être 10 000 selon les syndicats. Donc je pense que oui, peut-être que ça peut avoir une certaine portée. Il est bien défendu là quand même. Mais on lâche rien. On va interroger ses dirigeants syndicaux. Le dirigeant syndical? Lui? Les trois. Qu'est-ce que vous auriez à dire, les dirigeants syndicaux? C'est le patron, c'est lui. Il n'est pas inspiré, le patron, la patronne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi. Ah, rien du tout. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait là ? On est là parce qu'en tant que syndicaliste, on a vraiment fort peur pour la démocratie dans ce pays. Et pour nous, les syndicalistes, c'est quelque chose qui est immensément important. La démocratie, c'est pas accepter que les gens aillent voter une fois tous les 5 ans et puis basta. La démocratie, c'est tous les jours qu'on la fait vivre, en respectant les gens. Et ce gouvernement ne respecte pas les gens, donc il ne respecte pas la démocratie. Pourquoi vous dites qu'il ne respecte pas les gens ? Il ne respecte pas les gens quand on voit la façon dont ils communiquent, quand on voit les termes qui sont utilisés pour parler justement des gens qui viennent chercher le refuge chez nous, que sais-je. Ce n'est absolument pas respectueux des gens et on peut s'excuser après, rien à faire, les paroles sont révélatrices de la façon de faire la politique. Et vous croyez vraiment que c'en étant dans la rue qu'on peut changer les choses ? J'étais en train de le dire avec les camarades, à partir du moment où on est 8-10 000 pour une manifestation par rapport à un sujet comme celui-là, et on sait que la migration, ce n'est pas le sujet qui mobilise le plus facilement les citoyens, 8-10 000, c'est une vraie réussite. Pourquoi ça ne rassemble pas les citoyens, ce sujet-là ? Ben, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, avec la situation économique, la situation de crise que les gens en vivent, il est assez facile, malheureusement, pour certains, de caresser les gens dans le sens du poil et de réveiller des vieux démons. Mais je répète, 10 000 par rapport à ce genre de problématique-là, c'est une vraie réussite, à mon sens, en termes de mobilisation. Très bien. J'adore comment vous parlez, comme ça, très, très pro, hein. Non, pas très pro, convaincu, c'est différent. Habitué à parler, quoi. Ouais. Moi, ça, les syndicalistes sont tous des grandes gueules, hein. C'est normal. Ouais, non, mais habitué à parler, ouais. Vous n'avez pas envie de... Vous croyez qu'enfin, vraiment, bah, vous, oui, vous êtes des syndicalistes, il y a une longue histoire derrière, hein, votre mouvement, les syndicats. Mais vous ne croyez pas qu'à un moment donné, va falloir s'engager vraiment à fond, quoi, pas simplement manifester, parce que j'ai l'impression, bon, ce gouvernement, il est quand même vachement bien protégé, hein, et Franken, en l'occurrence, il est bien protégé. Enfin. Ben oui, mais je parlais de démocratie, parce que nous, on le voit au jour le jour, en effet, depuis 3 ans, la démocratie, c'est aussi la démocratie économique et sociale. Et c'est donc faire fonctionner la concertation sociale. C'est accepter qu'il y a des patrons et des syndicats et qu'il faut écouter les deux lorsqu'on essaye d'avancer, lorsqu'on essaye de se concerter, que ce soit au niveau interprofessionnel ou au niveau des entreprises. Aujourd'hui, on constate que la concertation pour ce gouvernement-ci, c'est simplement écouter notre avis et ça s'arrête à cela. Et moi, je suis très inquiet parce qu'il y a un modèle qu'on appelait un peu le modèle belge de concertation. Les interlocuteurs sociaux, s'ils sont d'accord, les responsables politiques acceptent les propositions et ça devient des lois. Et avec ce gouvernement aussi, rien à faire, on a des petits chefs, des petits coqs devant nous et qui n'acceptent plus ce modèle, qu'on appelait aussi le modèle Mozan, le modèle Rhénan. Ils n'acceptent plus parce qu'ils veulent affirmer que c'est eux les chefs, c'est eux les élus et que les représentants des travailleurs n'ont pas à participer à l'exercice. C'est énorme. Et quand nous, la FGTB Wallonne, nous avons lancé un appel en disant si les trois partis de gauche en Wallonie, PS, PTB, Écolo, ont la majorité, les travailleurs revendiqueront qu'il y ait un gouvernement Wallonie, PS, PTB, Écolo. On nous a répondu, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mais bon sang, bonsoir, ça nous regarde quand même. Voilà. Mais j'ai envie de dire jusqu'à quand vous allez laisser faire juste... Enfin, vous voyez, il y a un moment... On ne peut pas dire qu'on laisse faire, mais je pense que le mouvement syndical est certainement un tournant, en effet. Et depuis maintenant quand même quelques années, petit à petit, on a bien compris que c'est en associant les mouvements et les revendications syndicales avec d'autres mouvements citoyens comme celui d'aujourd'hui qu'on pourra avancer. Il faut qu'on arrête, ça a peut-être été notre tort dans les décennies précédentes, de dissocier les problèmes et les dossiers. Il faut au contraire les réunir. Et je suis persuadé que, ben voilà, on a un travail d'éducation permanente à faire aussi. Et que ce travail d'éducation permanente, c'est permettre aux gens qui prennent conscience qu'on est la majorité. On est la majorité, donc on peut changer les choses. Ben écoute, ça va. toujours les mêmes qu'on voit aux manifs. Hein, c'est toujours les mêmes qu'on voit aux manifs. Non, justement, il y a des gens qui sont qui viennent pas et qui sont venus. Oui, oui, il y a plus de monde que d'habitude. Hein. Non, mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient dans le tram et c'est des familles qui allaient manifester comme ça, tu vois, qui manifestent. Enfin, voilà, tu sentais que c'est la première fois, d'après ce que m'a dit Romina. Qu'ils allaient manifester. Ouais. Pas mal, hein, pas mal. Comment on va? Qu'est-ce que vous foutez là encore, vous? Ah, c'est vrai que ça fait à peu près 20... Allez, ça va faire 20 ans qu'on est dans des trucs pareils, quand même, non? Ça nous rajeunit pas. Et tu peux annoncer que le 21 septembre prochain, le 22 septembre prochain, pendant 3 jours, il y aura la célébration des 20 ans de l'assassinat de Semira Adamou. Donc, vous pouvez annoncer ça pendant un an, voilà, sur la radio, toutes les semaines, tous les jours, qu'il faut un maximum de monde, qu'il faut profiter de cette occasion-là pour parler d'aujourd'hui, parce que c'est ça le but premier, et en même temps de célébrer Semira, une chanteuse, femme noire, assassinée par 9 hommes, policiers blancs. Voilà, c'est aussi une histoire de femme. Je crois qu'elle a très bien dit ça, donc bientôt... Bientôt, vous allez entendre parler de différentes actions qui vont jalonner tout 2018 autour de ces questions-là. Immigration, accueil des sans-papiers et donc fin des expulsions, liberté de circulation. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'autour de Franken, c'est clairement... sa politique va à l'encontre de tout ce qu'on peut considérer comme pays d'accueil pour la Belgique. Oui, on peut parler. Bonjour, je suis responsable des voies de sans-papiers à Liège. On est ici pour que Sarne Michel, avec son délégation, Théo Francol, parce qu'il dégage nous, il serre les blonds. Nous, les sans-papiers, on est fatigués. Vraiment, bon. Voilà. Je suis responsable des voies de sans-papiers à Liège. Voilà, on est venu aux manifestations pour que Charles Michel avec Théo Franco, parce que bon, nous les sans-papiers, on est fatigués tellement que voilà. Vous êtes fatigué? Oui, on est fatigué parce qu'il y a beaucoup de lois. Chaque jour, ils appliquent les lois qu'on ne connaît même pas. Voilà. Moi-même, bon, la semaine passée que je suis sorti à centre fermé, bon, on m'a fait ramasser, bon, contrôler dans une bus. Comme je n'ai pas de papier, on m'a mis centre fermé 2 mois. Centre fermé 2 mois parce que contrôle dans un bus? Oui, contrôle dans une bus. Bon, si tu n'as pas de papier, tu n'as aucun droit. Bon, rien du tout. Rien du tout. Bon, on a quitté dans notre pays à cause de, bon, à cause de le problème. C'est pas bon, c'est pas que bon, on est venu ici pour chercher quelque chose, mais à cause des problèmes qu'on a quitté notre pays. Hein, mais il faut que bon, nous aussi, on est des êtres humains, on est des droits, hein, mais aucun droit, rien du tout. Moi, j'ai fait 7 ans dans Belgique, 7 ans jusqu'à présent, j'ai en train de attendre les papiers jusqu'à présent, rien du tout. Ça fait mal du cœur. Voilà. Je suis avec vous, monsieur, je comprends tout à fait. Hé, hey, Franken dehors. Hein. Oui, il y a Franken dehors. Sa politique et ses politiciens, ouais, dehors. Oui, hein. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est anonyme, on ne sait pas qui vous êtes, n'ayez pas peur, je suis un média gentil. Non, on n'a pas peur du tout. Vous n'avez pas peur? Même pas peur? Waouh. Wow. Bah, souvent les médias, on se méfie aujourd'hui, vous voyez, on est quand même dans une époque où les médias sont fatigants, non? Les médias sont fatigants, les médias... On ne peut pas tout écouter, hein. Ça dépend qu'est-ce qu'on écoute. On peut filtrer, hein. Mais j'aurais envie de vous poser la question de... Tiens, qu'est-ce que vous faites là, au fond? Alors, moi, qu'est-ce qui se passe ici? Il est grand temps de réagir. Là, je suis... mes valeurs de base ne sont plus... Je ne retrouve plus mes valeurs de base en ce gouvernement. Je crois qu'il y a un énorme problème, non pas d'une personne, mais d'un système. Et j'ai envie de dire stop, ça suffit, j'ai peur. De ça, j'ai peur. J'ai peur d'une répétition de l'histoire. J'ai peur de ce qui peut arriver et je voudrais être là pour dire stop. Voilà. Bravo, moi je dis bien, c'est bien que les gens sont là, c'est bien, mais on n'est pas beaucoup, hein, quand vous voyez. Mais non, mais voilà. Il y a quand même du monde, mais on n'est pas beaucoup au fond. Non, mais de là, alors de dire qu'on ne bouge pas, on ne fait plus rien, donc voilà. Je ne parle que pour, avec ma conscience à moi. Et de quoi vous auriez peur comme ça ? J'ai peur de perte du respect de l'homme, de l'humanité. Du respect de la dignité humaine est au centre de ma vie. Et j'ai l'impression que ça disparaît au profit du capitalisme, de l'argent et des égos. Et des égos. Et des égos. C'est-à-dire voilà. Du pouvoir. J'ai peur du pouvoir. Voilà. Monsieur, voilà. Ne dites pas c'est la même chose que madame. Allez, inventez quelque chose, soyez créatifs. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis... Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis là pour protester contre ce gouvernement qui... contre ce Premier ministre qui est à la solde d'un parti qui, pour moi, est de droite, si pas d'extrême droite. Et ça me fait peur. Voilà. C'est grave. Donc on est là, mais on est là et on est nombreux quand même. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une force qui va surgir de tout ça. Moi, j'y crois et je dis ça aux jeunes. Vous êtes là et merci d'être là et on est ensemble. Voilà. Parle très bien. Qu'est-ce non, que... Ça parle pas bien du tout, hein. Ça va pas très intéressant. Non. Si, allez-y. Allez, j'ai envie d'avoir un peu des jeunes comme ça, là. Deux jeunes gars. De handball. Ah, ben, parlons de handball. Qu'est-ce que vous faites là, en gros ? On est venu profiter du beau temps. Et du coup, voilà. Non, a priori, on est venu manifester. Et on a eu l'occasion d'en profiter pour avoir du beau temps. Donc c'est magnifique. Pourquoi vous êtes venu manifester ? Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi ? Toi, hein. Vous avez vu du bruit, du monde, et vous vous êtes dit, ah ben, on y est nous aussi, ou bien vous êtes un peu plus concerné ? Vous voyez un petit peu de quoi il s'agit vraiment ? Bah, si on est si peu, malgré qu'on soit quand même beaucoup, je pense que c'est principalement les gens concernés qui sont là. Malheureusement, les gens qui sont un peu moins concernés ne prennent pas la peine de sortir. Nous, on sent forcément concernés, donc on vient. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de monde, donc voilà, on est content d'être là, ça c'est sûr. Sûr, il y a pas mal de monde, mais... Non, il y a du monde. Hein. Oui, mais c'est tout... Il y a pas mal de monde. Ah bah tiens, il y a aussi voilà. les policiers avec leurs chevaux, là, les stars. Mais c'est quand même pas beaucoup à échelle, vous voyez ce que je veux dire, d'un pays ou des choses comme ça. Mais c'est bien que les gens sont là, évidemment, soient là. Forcément, ouais. Et quand... Enfin, qu'est-ce que vous faites là, au fond ? Pourquoi il faut être là ? Pourquoi vous êtes là ? Bah, on est là parce qu'on n'est pas trop d'accord avec ce qui se passe plus haut, mais voilà, comme... Il y a beaucoup de manifestations du genre, mais là, je pense que Franck... Du genre ? Ouais, du genre, voilà. Quel genre ? Contre la politique de migration, contre cette histoire de sans-papiers au parc Maximilien, contre la politique capitaliste à tout va, contre plein de choses. Ça se fait souvent. Maintenant, je pense que Franken, à lui seul, le portrait parfait de tous les vices de la politique dans ce moment. Quoi. C'est-à-dire que c'est un gars qui est persuadé de faire bien son boulot, alors que... Non, je crois pas qu'il est persuadé. Si, moi j'en suis persuadé. Ah bon ? Ouais, non, mais moi je... Lui est persuadé qu'il fait bien son boulot, ouais. Et je suis pas sûr que la manifestation aujourd'hui va le toucher vraiment. Mais La manifestation aujourd'hui, c'est ça ? Oui, je suis pas sûr que lui, ça va le toucher directement, parce qu'il a vraiment prouvé qu'il était vraiment sensible. Mais par contre, j'espère que ça aura touché les gens qui l'entourent et que les gens qui ont décidé de travailler avec lui, bah, ils vont se dire que... qu'effectivement, ça plaît pas à tout le monde et que du coup, ils préféreront pas faire équipe avec lui. J'aime bien parce que ça fait un peu naïf quand même, non ? Parce que je veux dire, les gens qui sont avec lui, c'est pas le premier dérapage en même temps. Hein. Franken, il a déjà fait des choses énormes. Ah non, c'est clair, c'est pas le premier dérapage, mais je pense que c'est encore plus naïf, vu que c'est pas son premier dérapage et qu'il continue et que voilà. De penser que c'est lui qui va directement prendre les conclusions, enfin en tirer les conclusions, tirer les conclusions de la manifestation d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est des gens qui sont un petit peu moins extrêmes que lui, même si on est d'office pas d'accord avec eux, qui vont peut-être se rendre compte qu'il est temps de changer parce que voilà, ça plaît pas à beaucoup de monde. Et une autre fois, ça plaira peut-être encore à moins de monde. Et pour finir, ils seront plus au pouvoir, donc ça servira à rien. Parce que finalement, tout ce qu'ils font, c'est pour pouvoir rester là. Et donc voilà. Ouais. J'espère que eux, ça va les toucher. On s'y perd un peu quand tu dis eux. C'est eux, c'est. En gros, c'est le gouvernement en place directement, parce que l'opposition, forcément. Le gouvernement Michel et compagnie, quoi. Oui, le gouvernement Michel. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai. Ouais. Et donc voilà. Et alors, je me doute bien qu'il doit faire de la politique et qu'il faut. Ben là, entre autres, ils ont peut-être pactisé avec le diable, mais du coup, il est temps de s'en rendre compte. Pactiser avec le diable, ça veut dire pactiser avec le Franken ? Avec Franken et avec certains ténors de la NVA. Je pense que c'est pas forcément Franken qui est le plus malin dans l'histoire et qu'il faut être un petit peu malin pour pouvoir en arriver là, mais voilà. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est là pour faire tomber Franken absolument ? Je pense que chacun, en mettant ses chaussures ce matin, savait très bien que c'est pas en allant manifester aujourd'hui qu'il allait tomber. C'est juste de se dire, ben voilà, moi je cautionne pas ce qui se passe, et donc voilà, je prends la peine pendant 2 heures sur mon après-midi de dire, ben, vous faites ce que vous voulez, on vous a pas spécialement élu. Et enfin voilà, vous êtes au pouvoir et c'est pas grâce à nous, ben nous on n'est pas d'accord et on le manifeste, simplement. Les faire tomber, c'est sûr, c'est ça qui est malheureux, mais voilà, on est dans un pays démocratique, il y a beaucoup de gens qui ont voté en sa faveur, ben, nous pas, ben, on n'est pas d'accord. On fait acte de présence, voilà, quoi. C'est ça, on fait, c'est là. Il y a peut-être des gens qui étaient là aujourd'hui, qui ont voté pour lui qui regrettent. Et qui regrettent, ouais, c'était pour ça qu'ils se sont dit qu'ils allaient venir aujourd'hui. C'est possible, j'espère, moi, on en parlait tantôt, tout à fait possible qu'il y ait des gens qui aient voté NVA, mais qui ne soient pas spécialement d'accord avec la manière dont Franken agit pour le moment. Et voilà, là, on est vraiment contre ces mensonges, et encore, c'est la face visible du truc. Voilà, on a su que, mais tout ce qui se passe en off, on n'en est pas du tout conscient, et voilà, je pense que la raison pour laquelle on est là, c'est la petite part visible, et elle est déjà bien suffisante pour qu'on prenne du temps sur notre samedi après-midi pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Merci les gars. T'as envie de dire quelque chose? Ben oui. Parce que... Ouais, mais je pense que... Ouais. Il est là à côté, il dit rien, le pauvre, j'allais passer à côté. On parle de la NVA, des gens qui votent NVA, il y en a plein qui ont voté NVA. Et je pense qu'ils voient pas au-delà des choses, quoi. Il faut clairement... La NVA est beaucoup à la mode parce que quoi, c'est des gens qu'on prend pour des gens carrés, qui font bien leur boulot. Et on pas est... moi, hein, moi pas. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a qui y a tu beaucoup... parles, là les gens fonctionnent par cliché, quoi, tu vois. Genre, la NVA, c'est des gens carrés qui marchent à la flamande et on est dans un monde où tout part un peu en couille et il faut des gens qui fassent bien les trucs dans les règles, etc. On parle de sécurité, d'emploi, etc. Et on a l'impression que c'est un groupe politique qui fonctionne bien parce que c'est un groupe... Voilà, très carré, etc. Mais il faut te voir au-delà des choses, quoi. Au-delà du travail on a l'impression qu'ils sont efficaces. C'est des gens voilà, qui ne sont pas du tout socialistes et portés sur l'humain. Et voilà, et c'est très conservateur. Mais c'est d'où tu tiens cette idée que la NVA, ils font bien leur travail, ils sont carrés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas bien quand tu dis ça. Voilà, allez, on termine alors la conversation parce que ma carte était remplie. Ma question, si je me souviens bien, ouais, c'était l'expression où j'ai utilisé que la NVA avait un côté carré dans sa démarche et dans son travail. Oui, et tu disais que ça sécurisait les gens, la limite. Voilà. Ouais, c'est ça que je trouve. Il y a énormément de gens qui ont voté NVA parce qu'on est clairement dans le flou depuis des années et des années. Les gens, bon, comme toujours, disent ça va pas, il faut du changement. Et la NVA, clairement, ce cliché-là, c'est de un peu taper dans le tas et de voilà, d'être plus entreprenant que les partis, que les autres partis. Et voilà, parce que... Mais quoi, tu t'es intéressé à la NVA et à son vote, les gens qui ont voté. Mais non, mais je m'intéresse... Intelligemment, hein, je veux dire... Je pense que tout fonctionne par mode, et que là, on est clairement dans une mode, on a été dans le flou pendant des années et des années, et là, les gens reviennent vers du carré, du sécuritaire... C'est pour ça, parce qu'il y a la crise, ouais, ils ont manière peur. De parler, parce que la crise, on en mais parle depuis... Oui. Ils ont peur, et les gens s'emmerdent, et les gens... Les gens s'emmerdent. Mais oui, mais c'est clairement, là, on est dans une période creuse où... Et je pense que l'histoire fonctionne comme ça, où voilà, là on est dans une période creuse, on est dans le flou, la jeunesse est un peu paumée, on est clairement dans une période où on est un peu mou, il ne se passe pas, on doit pas se battre, etc. Et là, les gens ont envie de changement, et les gens votent pour des gens plus entreprenants, pour des partis plus entreprenants. La NVA est entrepreneuse, c'est ça que tu veux dire, entreprenante, elle est... Elle est entreprenante, mais pas dans le bon sens, comme en France avec le FN, c'est des discours agressifs, et des discours, du coup, l'agressivité fait passer plus de choses, parce que ça donne du corps, quoi, d'être agressif. Et les gens, les gens sont pris par des discours pareils parce qu'il n'y a rien à dire. C'est moins mou qu'un Charles Michel qui ne fait que du blabla pour ne rien dire. Et la NVA est entrepreneuse, mais dans le mauvais sens. Et les gens se laissent embarquer là-dedans et votent pour des partis qui n'ont pas un bon fond, mais qu'on a l'impression qu'ils font quelque chose. Mais on se rend compte qu'ils font de très mauvaises choses. Ouais. Et c'est là où il faut changer. Et c'est là où il ne faut pas se laisser avoir par des partis populistes et qui se veulent de changement, etc. On n'a pas besoin de ce changement-là, il faut arrêter ces bêtises, quoi. Et quoi, toi, tu aurais des copains ou des gens autour de toi qui vont voter NVA? Moi, je suis wallon, mais clairement, je rencontre des jeunes qui pensent NVA ou qui pensent Trump. Et ça m'attriste parce que ils ont l'impression que ça leur donne du corps et que c'est cool d'assumer de penser comme ça et que ça leur donne du fond, mais faut arrêter, on est bien mieux sans eux et voilà, ce sont des gens qui pensent pas au peuple, donc le peuple doit pas les soutenir. Ces gens-là nous ont mis par derrière pendant des années, et on vote pour eux. L'exemple, ils ont mis par derrière, j'aime bien, vraiment. L'exemple Trump, c'est des gens populistes américains qui votent pour lui, alors que c'est un mec qui ne pense qu'à lui-même, à son fric et à son truc. On ne peut pas voter pour un gars comme ça. Comment il peut être penché sur le peuple et faire des choses pour le bien des citoyens, alors que c'est un gars qui exploite... Trump qui parle, là. Oui, c'est ça. Et là, le système NVA capitaliste, etc., c'est la même chose. C'est essayer de garder son petit confort et ne pas donner, etc. Et c'est ça qui crée des conflits, c'est ça qui crée... c'est cet esprit-là qui crée des tensions, etc. On est des gens issus de communautés différentes, de rangs sociaux différents, entre guillemets, de cultures différentes. On ne peut pas créer des tensions comme ça, et un parti NVA, ça ne fait que ça, quoi. C'est attiser. Ça le renforce, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est attiser la tension, et ça faut clairement... On n'a rien à y gagner. Il y a même des jeunes aujourd'hui qui disent « Ah, ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. Les gars, vous ne savez pas ce que c'est la guerre. » Je ne le sais pas non plus, mais moi, je n'en ai pas envie, parce que je me rends compte que c'est quand même vraiment pas bien. Pourquoi? Mais parce que ça n'apporte que de la tristesse et de... Et voilà, on l'oublie peut-être. On dit une bonne guerre parce que ça reconstruit les choses après. Ben là, il y a plein de trucs à construire maintenant. Et on pourrait faire une guerre, mais moi je pense une guerre hors du système, une guerre où on entreprend des choses contre la mondialisation, pour l'écologie. Ça, c'est mener une guerre à sa façon. Et moi je pense que si le gouvernement, au lieu d'attiser les tensions et continuerait à s'embourber dans le capitalisme, etc., faisait une translation vers l'écologie et l'ouverture un peu des frontières et tout, ça c'est une guerre, je pense. Et ça change les choses, et ça va relancer l'emploi, ça va passer à un environnement, à une énergie renouvelable, etc. Ça va relancer énormément d'emplois, et toute cette transformation... C'est une guerre en soi, parce que là, on est en train de s'enliser et on va à la saturation. Et l'humain va toujours à la saturation des choses. Et là, clairement, on va à la saturation du système. Ça devient trop et de plus en plus de gens s'en rendent compte. Il y a plein de trucs qui reviennent aux sources, plein de petits trucs locaux, plein de petits trucs qui... Et plein de manifestations. Les gens commencent à s'en rendre compte, mais la majeure partie, non. Mais T'as l'air motivé hein, pour causer là. Ouais, je pense que. Non, mais tu dois retourner par là. Ouais, là. Je vais aller par là. Allez, go. Allez. Mais je vais couper, mais t'es un motivé, toi. Tu te poses plein de questions par rapport à la politique comme ça. Mais en fait, j'ai pas envie de passer ma vie à ça. Mais n'empêche que j'y pense tous les jours et. À quoi exactement? Ben, au système qui fonctionne pas et où on va justement à cette saturation et où on s'embourbe et ça va pas quoi. Il faut réagir avant et que ce soit pour l'environnement, pour l'économie, pour l'enseignement. Ah, ouais. C'est de pire en pire. Tous les politiciens le savent, mais ils ne pensent qu'à eux. Il n'y a rien à dire. Moi, je vais par là. Voilà. Ouais. Merci. Hein. Merci. Si jamais tu veux réécouter, ouais. C'est micro ouvert. Tape ça sur un moteur de recherche, tu vas tomber sur un site. Micro ouvert, c'est facile. Petit débriefing alors à une petite terrasse de cette manif de Frankenbeut. Non, c'était ça le titre de la manifestation. Oui, c'est tout à fait ça le titre de la manifestation après le. L'ordre de quitter le gouvernement qu'il a reçu il y a 15 jours par la population en réaction à la manif de soutien à Théo Franken qui avait été organisée où il y avait au grand maximum 10 personnes. Ici, il y a une contre-manifestation qui avait été organisée le 30 décembre, si mes souvenirs sont bons. Et donc... Là, il y avait 200 personnes et ici, c'était les résultats de cette manifestation où on a eu plus de temps pour avoir plus de gens et effectivement, on était quand même beaucoup, beaucoup plus. Et on est de plus en plus à ce genre de manifestation, ce qui est assez encourageant, mais il faut continuer à taper sur le clou, clairement. Moi, je referais une manif demain si c'était que moi, mais bon. Eh, viens deux minutes, viens. C'est comme ça, le hasard, on a une terrasse et puis on voit les gens qui quittent, enfin la manif est finie, vous voyez. C'est vraiment du hasard pur. Ouais. Un petit débriefing, comment t'as ressenti les choses de cette manif? Bah, comment j'ai ressenti les choses? C'est à chaud. Il y a le ressenti et le... Ah, on est en direct? Non, pas en direct, okay. C'est enregistré. Il y a le ressenti et la réalité. La réalité, c'est qu'on espérait être... entre 1000 et 2000, et qu'en fait, on était 8000. Donc, il y a plus qu'un ressenti, c'est que c'est une grande victoire, et ça montre bien qu'il y a du monde qui veut s'opposer à cette politique raciste, sécuritaire, amalgamante, maintenant tortionnaire, meurtrière, parce que à force de fermer les frontières, on peut dire que c'est une politique meurtrière quand ça provoque des milliers de morts dans la Méditerranée. Donc, clairement, c'est un succès, et on espère être de plus en plus nombreux. Bravo, merci. Je sais pas pourquoi je dis bravo. Oui, parce que le bravo, il est surtout à dire à toutes les organisations qui ont co-organisé. Ça, c'était une co-organisation. Donc, vraiment, on se veut que ça soit le plus collectif possible. C'était à l'initiative des collectifs de sans-papiers. Donc, les premières victimes, les premiers concernés par cette politique dégueulasse. Et donc, c'est bravo à tout le monde, en fait. Et on s'est retrouvés avec maintenant une cinquantaine d'organisations qui sont signataires de l'appel. Donc, bravo à toutes ces organisations, tous ces citoyens qui ont bougé et qui veulent continuer à bouger parce qu'on lâchera rien. Tu crois que ça peut s'ouvrir? Parce que, bon, c'est beaucoup d'entre-soi, là, pour le moment. Hein, on est d'accord, tous. Est-ce que tu crois que ça peut augmenter cette mobilisation-là, que des gens qui, à la base, n'étaient pas trop à se poser des questions par rapport à la migration, limite s'en foutaient, se disent, bon, allez, maintenant, il est temps d'agir. Ben, moi, je pense que ça s'est déjà ouvert et que ça va continuer à s'ouvrir, plutôt. Là où on voit que ça s'est ouvert, c'est qu'il y a donc deux mois, je crois, c'était la manifestation de la coordination des sans-papiers. On était entre 2000 et 3000. Il y a eu le 13 décembre, la manifestation pour la justice migratoire. On était entre 1500 et 2000, je crois. Et là, on était 8000. Donc, c'est la preuve que ça s'est ouvert. Et il faut qu'on ouvre encore plus la porte. Parce que, justement, je pense que c'est aussi le fait que la plateforme citoyenne, qui est à un moment s'occupait surtout de tout ce qui était humanitaire et l'urgence, ils font un boulot génial. Mais ils se sont dit que ça suffit, quoi. Et qu'à un moment, il faut aussi. faut aussi se positionner politiquement. Et il y a aussi un moment, il faut s'attaquer aux conséquences, ce qui provoque en fait le fait qu'ils doivent être là toutes les nuits pour éviter à ce que des gens se fassent arrêter, voler, rafler, etc. Et donc voilà, ça c'est ouvert et le but c'est de continuer à ouvrir. Et c'est pour ça qu'on appelle à une réunion la plus large possible et pour continuer les actions avec une réunion, à une réunion. Une réunion qui sera le 25 janvier au MRAX à 19h. Sauf changement s'il y a beaucoup de monde. 19h ou 18h, je dois vérifier, mais de toute façon, l'information circulera et on enverra ça par mail, sur Facebook, etc. Et qu'un maximum d'organisations et de citoyens qui ne sont pas forcément organisés viennent, parce qu'on en aura besoin et il n'y a que en se rassemblant tous et toutes qu'on y arrivera. Merci. Voilà. Je vois que tu voulais réagir quand je posais la question au début de l'entre-soi, je crois, et de rajouter que le nombre augmente, que ça s'ouvre. Et il faut quand même savoir qu'au niveau des citoyens, on n'est pas 8000 en fait. Il faut pas se leurrer. Il y a plus de gens que ça qui sont totalement ulcérés par la politique de Franken. Il y a quand même une plateforme sur les réseaux sociaux qui récolte à peu près 30 000 personnes, qui héberge des personnes, des réfugiés tous les soirs et qui se coordonne pour que ces gens ne doivent pas dormir dehors, dans le parc Maximilien, dans les porches, etc., aux alentours. C'est une mobilisation citoyenne où le citoyen clairement reprend le pouvoir au niveau des décisions qui sont prises en termes de migration, dans le sens où le citoyen dit non, c'est pas possible de vivre comme ça et de réagir comme ça face à ces injustices, et qui eux se mobilisent pour qu'il y ait une solidarité qui se mette en place. Et ça, c'est aussi extrêmement important que les gens se rendent compte que tout le monde ne va pas nécessairement dans la rue pour manifester, surtout avec l'image qu'on peut avoir de la police, des répressions policières, etc., et qu'il y a des personnes qui ont peur pour leur sécurité s'ils viennent dans une manifestation, et des gens qui n'ont pas nécessairement une éducation militance, etc., pour aller dans la rue pour revendiquer, mais qui ne sont pas nécessairement d'accord avec des politiques de type Franken. Quelqu'un a envie de dire quelque chose ? Sur cette manif qui vient de se dérouler. Oui, moi je suis super contente qu'il y ait autant de monde. Je trouve qu'il faut s'ouvrir, que c'est pas seulement par rapport... c'est la politique de Franken, mais c'est la politique de ce gouvernement, qui est un gouvernement qui criminalise tout, qui vire les gens, qui est antisocial, qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut imaginer par rapport à la politique sociale. Et donc, voilà, moi j'ai envie de foutre Franken dehors et tout son gouvernement, en premier lieu Michel, qui est un vrai opportuniste et qui fait tout pour rester au pouvoir, envers et contre tout, même quand son ministre tient des propos ignobles et inhumains et mène une politique inhumaine. Et donc, je suis contente qu'on soit 6000 selon la police, 8000 selon nous, et je pense que si on en fait d'autres, si on vient encore, les gens viendront et se rajouteront, parce que c'est un mouvement qui est destiné à s'élargir, je pense, si on fait bien les choses. Voilà. Moi, je veux juste dire, par rapport à cette manif, c'est bien que les gens commencent à se montrer, c'est bien que les gens commencent à bouger, mais il y a un moment donné, il faut aller chercher Franken, il faut aller dans son bureau, il faut le prendre par la peau du cou, et il faut le cul. Il faut le sortir de là, c'est tout. Mais surtout, il faut mettre personne à sa place. Il faut mettre personne à la place de nos têtes soi-disant bien pensantes. C'est surtout ça qu'il faut arrêter de faire. Merci tout le monde. Hein.